Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La dengue est une maladie grave, mais le vaccin créé par Sanofi pour la contrer est, semble-t-il, pire que le mal. C'est un moustique comme celui-ci, de type Aedes, qui transporte le virus de la dengue, cette maladie tropicale qui donne de fortes fièvres, des nausées et des douleurs articulaires. Pour la première fois, ce moustique venu d'Asie a réussi à transmettre la dengue à un patient de la région de Nice qui n'avait pas voyagé sous les tropiques. Pour cela, il a piqué un voyageur porteur de la maladie en incubation, par exemple, puis il a piqué une autre personne, lui inoculant ainsi le virus. Un laboratoire qui déconseille son vaccin, c'est le super fail de la semaine. François Bricker, vous êtes infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, professeur à Paris-6 et membre de l'Académie de médecine. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la dengue ? La dengue, c'est une infection qui est due à un virus, qui est le virus de la dengue, et qui est un virus qui est transmis par des moustiques, et en particulier ce qu'il est convenu d'appeler le moustique Aedes, les moustiques Aedes. Alors c'est un peu particulier parce que cette maladie est due à des virus de dengue, car il n'y a pas un virus de dengue, mais plusieurs virus de dengue. C'est important parce que ça veut dire que on peut faire plusieurs fois la maladie lorsqu'on est dans une zone géographique exposée. Car c'est surtout dans certaines zones géographiques. Lesquelles ? Essentiellement dans les régions tropicales, équatoriales, dans les pays du Nord, par exemple, ou dans l'hémisphère sud, très au sud, il n'y a pas de risque de développer une dengue, ou extrêmement peu de risque. C'est grave, docteur ? Alors, de base, c'est une maladie qui n'est pas grave dans la mesure où elle va donner des symptômes qui ressemblent, dit-on, un peu à la grippe, de la fièvre, mal à la tête, des douleurs un peu partout. Ça va donner éventuellement une éruption cutanée et puis, en quelques jours, ça va régresser. Ça, c'est la majorité, la très grande majorité des cas. Mais dans certaines circonstances, il peut y avoir des formes plus sévères avec des hémorragies et donc il y a des formes qu'on qualifie de graves et qui peuvent éventuellement être mortelles. D'où l'importance de ce vaccin. Et là, faire un vaccin contre la dengue, c'est apparemment très compliqué. Pourquoi ? Oui, alors c'est un des vaccins d'abord que l'on cherche à faire depuis longtemps parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés compte tenu de l'importance géographique qu'on vient d'évoquer. Il y a beaucoup de personnes qui sont soumises à cela et donc il est illicite d'essayer de trouver un vaccin. Effectivement, c'est un vaccin très difficile à faire. Il y a beaucoup de raisons, je ne les détaillerai pas toutes, mais vous savez que déjà, on aime bien, quand on fait un vaccin, avoir ce qu'on appelle un modèle animal pour essayer de tester et de voir comment les choses peuvent évoluer. Première difficulté, nous ne l'avons pas. Deuxième difficulté. Pourquoi ? Parce qu'aucun animal ne développe la dengue ? Voilà, pas de façon suffisamment parallèle à ce que peut faire l'homme pour que ça ait une valeur. La deuxième raison, c'est que, comme on vient de l'évoquer, il y a plusieurs virus, et il y a en particulier 4 types de virus, ce qui veut dire que si on fait un vaccin, il faut trouver un vaccin qui soit efficace contre les 4 types de virus. Ça, c'est les deux principales difficultés, et je passe aussi sur la constitution potentielle de l'atténuation de la fabrication du vaccin lui-même à partir de ce virus. Donc, les recherches ont été longues, ont été très coûteuses, mais ont abouti quand même à trouver quelque chose. Alors, ce quelque chose est un vaccin qui est un vaccin qui est sûrement pas parfait, ça a été dit d'emblée, et il est en particulier imparfait parce qu'il ne protège pas de façon homogène contre les 4 virus qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les résultats qui ont été obtenus dans les études qui ont été faites, il y en a eu pas mal en Amérique du Sud et Amérique centrale, comme il y en a eu en Asie, a montré que contre ce qu'on appelle le sérotype 4, donc le virus numéro 4 et le virus numéro 3, il y avait une protection qui était correcte, 75%. C'est correct, mais c'est pas parfait. Et puis, en revanche, les deux autres, et en particulier le numéro 2, eh bien, la protection n'est pas très bonne, elle est aux alentours de 30%. Donc, si on fait le bilan de tout ça, ça veut dire un vaccin qui, en termes d'efficacité, est satisfaisant, mais pas plus. Efficacité moyenne de 50%. Voilà. Alors ça, c'est un point important. En revanche, ce qu'on a montré, c'est que ça réduisait le risque d'hospitalisation dans les zones géographiques où il y a de la dengue. Et en particulier, ça réduisait les hospitalisations pour des formes assez sévères de dengue. Les Philippines ont suspendu la vente du vaccin contre la dengue distribué par Sanofi. Décision prise après que le groupe pharmaceutique français a annoncé que son dengue-vaxia risquait d'aggraver les symptômes de la maladie chez les personnes n'ayant jamais été infectées auparavant par ce virus transmis par le moustique. Devant le ministère philippin de la Santé, ces manifestants demandent des comptes au gouvernement. Ce vaccin n'a pas été testé correctement. Mais pour qui prennent-ils nos enfants ? Des animaux ? La justice philippine a annoncé l'ouverture d'une enquête pour danger présumé pour la santé publique. Le Brésil a également recommandé de limiter l'utilisation du vaccin. Alors, un vaccin qui n'est pas forcément efficace, donc ça c'est une chose, on comprend bien, docteur, que cela puisse être un problème, mais là, semble-t-il, les autorités sanitaires disent pire, elles disent que ce vaccin est dangereux. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le terme de dangereux. Il faut qu'on s'explique très bien. C'est un peu délicat, difficile à expliquer, mais ça reflète aussi un certain nombre d'incertitudes qu'on a encore sur cette maladie. On sait déjà depuis longtemps que quand on fait une première dengue et que les choses se passent bien, il y a un risque de faire une autre dengue. Et lorsqu'on fait une deuxième dengue, il y a un certain nombre de personnes, en petit nombre peut-être, mais néanmoins ça existe, qui font des formes plus sévères. En d'autres termes, ça veut dire que la deuxième ou la troisième dengue peut être plus sévère. Ah oui, il y a un effet cumulatif. Voilà. On pourrait s'attendre, on pourrait dire, tiens, on est protégé lors de la première dengue, et ça va se passer mieux lors de la seconde. Ça veut dire qu'on ne développe pas d'anticorps ? Si, on développe des anticorps, mais peut-être qu'il y a aussi des réactions immunologiques qui se développent, qui montrent la complexité de ce virus ou de ce type de virus, qui fait que l'organisme réagit de façon excessive, inapproprié et donc néfaste. Néfaste, c'est-à-dire que les conséquences peuvent être des formes sévères et des graves. formes mortelles. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, cette certitude n'a jamais été franchement confirmée. Donc de façon c'est une hypothèse. Définitive. C'est une hypothèse. Il y a beaucoup de gens qui le défendent. Il y a des gens qui sont plus réticents sur cette analyse. Mais il n'empêche qu'il se passe sûrement quelque chose. Et ça, on en tient compte, et les gens qui ont travaillé sur le vaccin en ont aussi tenu compte. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous vaccinez contre la dengue, vous pouvez vous dire que si jamais le sujet va faire quand même une dengue, puisque je viens de vous dire que c'était une protection qui n'était pas parfaite, on se dit que peut-être ça correspondrait à une deuxième dengue avec un risque de voir apparaître une forme plus sévère. Ça n'est qu'une hypothèse, encore une fois. Mais cette hypothèse est importante à prendre en considération. Et d'ailleurs, le laboratoire qui travaille, et les laboratoires, parce qu'il y en a plusieurs qui ont travaillé sur le vaccin dengue, ont toujours pris en considération ce risque. Ça n'a pas été confirmé dans les études, mais c'est pris en considération. Alors, dans ces conditions, je vais immédiatement vous demander pourquoi, je vais dire avec mes mots, François Bricaire, et pourquoi on n'essaye pas de contrer à la fois la première, la deuxième, la troisième dengue. Est-ce que les différents anticorps qui sont produits ne peuvent pas être apportés, je ne sais pas quel terme employer, par le vaccin ? C'est difficile de vous répondre de façon absolue, mais à partir du moment où on crée des anticorps contre le virus de la dengue, c'est le cas de la maladie naturelle, c'est le cas du vaccin. Si jamais il se passe quelque chose derrière, on est dans cette situation potentielle où, éventuellement, même si c'est rare, ce développement de notre organisme vis-à-vis de ce virus de dengue pourrait déclencher une forme sévère. Or, je ne veux pas compliquer le problème, mais je crois que c'est important de le dire aussi, ce qui a été démontré, c'est que les gens réagissent mieux après avoir été infectés par la dengue lorsqu'on les vaccine. Parce que ça arrive souvent, les enfants font une dengue, et puis en fait on va les vacciner pour les protéger contre les autres potentiels virus de dengue. Et on s'est aperçu, et on sait, on a démontré que ceux qui avaient déjà fait une dengue réagissaient plus fort en matière de production d'anticorps. Donc on se dit que peut-être il peut y avoir potentiellement encore des effets indésirables qui viendraient après. Et oui, parce que la question qui vient immédiatement à l'esprit, François Bricaire, consiste à se demander si il faut forcément un vaccin. Est-ce que parfois, et ça n'est pas mieux de laisser des maladies se développer? Est-ce que vous avez des exemples en tête de maladies où on pourrait peut-être trouver un vaccin, mais finalement on considère que c'est mieux que l'individu la développe? Oui, c'est exact. D'ailleurs, il faut bien reconnaître qu'avant les vaccins, on subissait un certain nombre de maladies infectieuses et que dans beaucoup de circonstances, ça se passait plutôt pas trop mal. Et que, prenons l'exemple des oreillons, pour ce qui concerne un virus qui nous concerne davantage, eh bien, on faisait des oreillons, c'était désagréable, il y avait peut-être des risques, et en particulier chez les garçons, en matière de stérilité, mais n'empêche qu'on guérissait. Ceci étant dit, le vaccin apporte quelque chose dans la mesure où ça évite de faire la maladie et ça évite les éventuelles complications que provoquent les oreillons. On pourrait donner des exemples, et la dengue un peu en fait partie. Heureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très bénin dans la majorité des cas, donc par conséquent, c'est pas une maladie à énorme problème. Mais il suffit qu'il y ait des inconvénients, des séquelles, des formes sévères, pour que ça justifie le développement et l'essai de développer un vaccin. Et puis cette information donc sur ce laboratoire Sanofi qui déconseille l'utilisation de son vaccin arrive en pleine polémique, allais-je dire, mais en fait on n'est même jamais sorti de la polémique sur les vaccins en France, avec une défiance particulière. Est-ce que ça n'est pas justement un argument de plus contre les vaccins? Alors, je vous remercie de votre question parce que je suis un très grand défenseur des vaccins et je le dis très régulièrement, à partir du moment où un vaccin est de qualité, dans la mesure où il est efficace et dans la mesure où il est très bien toléré, surtout sur des pathologies qui sont potentiellement sévères, il faut vacciner. Alors, souvent, on nous dit, oh, mais vous savez, l'industrie fait tout ce qu'il faut pour vendre des vaccins. Voilà. Je crois que là, on a un exemple, un contre-exemple. C'est que sur un vaccin qui n'est pas parfait, sur un vaccin dont on a des doutes, sur lequel on a des doutes sur l'évolution potentielle de la maladie, comme on vient de l'évoquer, eh bien, le laboratoire lui-même déconseille son vaccin. Ce qui veut bien souligner tout de même que quand un vaccin n'est pas bon, il peut être retiré. Et je pense que vis-à-vis de ceux qui sont opposés à la vaccination, ça devrait pouvoir les rassurer. L'un des arguments qui est le plus souvent invoqué par ceux qui sont hostiles au vaccin, c'est la présence d'additifs dans les vaccins, et notamment l'aluminium. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, mais est-ce que ça n'est pas un problème supplémentaire, en quelque sorte, docteur Bricaire? Oui, alors là, pour le vaccin de la dengue, il faut dire que c'est un vaccin qui est très original, qui repose sur la restructuration d'un virus de base, qui est le virus de la fièvre jaune, qui est un petit cousin de la dengue, et dont on a travaillé pour mettre les antigènes nécessaires pour faire des anticorps de la dengue. Donc c'est une prouesse technique. On a vu que c'était difficile à faire, donc il a fallu trouver des bonnes solutions, et elles ont été au moins techniquement trouver. Et donc, ça, c'est bien. Mais il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas d'adjuvant. Beaucoup de vaccins n'ont pas d'adjuvant. Le vaccin grippe, dont on parle très souvent, n'a pas d'adjuvant. Donc, par conséquent, dans cette polémique qui est sur les adjuvants en général, et l'aluminium en particulier, eh bien, là, je crois qu'on peut être, là, moi, je le suis, rassurant. On a bien compris, docteur Bricaire, que ce vaccin allait être retiré du marché fort probablement. Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Que peuvent faire les laboratoires pharmaceutiques? Alors, ils peuvent d'abord continuer à travailler. Sanofi était le premier à mettre en place un vaccin. Il faut savoir qu'il y a d'autres, comme on appelle, candidats vaccins. C'est-à-dire que d'autres laboratoires pharmaceutiques travaillent sur ce vaccin dingue, avec des avancées plus ou moins importantes. Ce qui veut dire que dans le futur, il apparaîtra sans doute des vaccins qui devraient, ou qu'on peut espérer, ça c'est les progrès de la science, être mieux adaptés et surtout donc plus efficaces. Je dis pas mieux tolérés parce que le vaccin en termes de tolérance dont on a parlé était un vaccin bien toléré, mais avec l'épée de Damoclès de ses formes sévères. Et tout ça va se travailler, je pense, et donc le futur devrait quand même orienter vers une protection contre une maladie qui est quand même très largement répandue dans le monde. Merci beaucoup, professeur Bricaire. Superfail a été piétiné par Jacques Hubert à la technique, à la production Anaïs Isebaer l'a déchiqueté et a été malmené à la réalisation par Jean-Christophe Francis. Superfail.